l'opéra bouffe. Occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait, Mathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait souvent avec Julien. S'il y a une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland et moi celui de Madame Roland? J'aime mieux ce rôle que celui de Madame de Staël. Elle regardait Julien. Elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions. Sans doute, se disait-elle, je suis parvenue à détruire chez lui jusque la plus petite idée qu'il a des droits. L'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour il y a 8 jours le prouve de reste. Il faut convenir que j'ai été bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillait tant de respect, tant de passion. Ne suis-je pas sa femme ? La marquise la fit appeler pour aller à l'opéra italien. Elle n'eut qu'une idée, chercher Julien des yeux pour le faire engager par sa mère à les accompagner. Il ne parut point. Ces dames n'eurent que des êtres vulgaires dans leur loge. Pendant tout le premier acte de l'opéra, Mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive. Mais au second acte, une maxime d'amour chantée, il faut l'avouer, pénétra son cœur. Pendant toute la journée du lendemain, elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle passion. Julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manœuvre de passion aussi compliquée. Il craignit de répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qui l'interrogerait. Il s'enferma chez lui. Il vit Mathilde se promener longtemps au jardin. Quand, enfin, elle l'eut quitté, il y descendit. Il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. La nuit était sombre. Il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Plusieurs fois, l'idée du suicide s'offrit à lui. Cette image était pleine de charme. C'était comme un repos délicieux. C'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui, dans le désert, meurent de soif et de chaleur. « Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi, » s'écria-t-il. « Quel souvenir je laisserai !» Une heure sonna. Entendre le son de la cloche et se dire « Je vais monter avec l'échelle » ne fut qu'un instant. Ce fut l'éclair du génie. Les bonnes raisons arrivèrent en foule. « Puis-je être plus malheureux ?» se disait-il. Il courut à l'échelle et la plaça contre la fenêtre de Mathilde. « Elle va se fâcher, m'accabler de mépris. Qu'importe. Je lui donne un baiser, un dernier baiser, je monte chez moi et je me tue. Mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir. » Il volait en montant l'échelle. Il frappe à la persienne. Après quelques instants, Mathilde l'entend. Il se jette dans la chambre, plus mort que vif. « C'est donc toi, » dit-elle en se précipitant dans ses bras, « qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien ?» Celui de Mathilde fut presque égal. Elle lui parlait contre elle-même. Elle se dénonçait à lui. La vertu de Julien fut égale à son bonheur. « Il faut que je descende par l'échelle, » dit-il à Mathilde, quand il vit l'aube du jour paraître sur les cheminées lointaines du côté de l'Orient, au-delà des jardins. « Serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment ?» Mais l'honneur parle, il suffit. Apprenez que, lors de notre première entrevue, tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les voleurs. Monsieur de La Mole a fait établir une garde dans le jardin. Monsieur de Croisenois est environné d'espions. On sait ce qu'il fait chaque nuit. » À cette idée, Mathilde rit aux éclats. Il la serra encore une fois dans ses bras, se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit. En un moment, il fut à terre. Enfin, la fatigue l'emporta sur le bonheur. Et comme le soleil se levait, il tomba dans un profond sommeil. La cloche du déjeuner eut grand-peine à l'éveiller. Il parut à la salle à manger. Bientôt après, Mathilde y entra. L'orgueil de Julien eut un moment bien heureux en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de cette personne si belle. Mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là. Le soir, elle trouva pourtant le moment de dire à Julien « Croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part ? maman vient de décider qu'une de ses femmes s'établira la nuit dans mon appartement. » Cette journée passa comme un éclair. Julien était au comble du bonheur. Dès 7 heures du matin, le lendemain, il était installé dans la bibliothèque. Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin. Elle regarda une ou deux fois Julien, mais avec des yeux polis et calmes. Il n'était plus question de l'appeler « mon maître ». L'étonnement de Julien l'empêchait de respirer. Mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui. Au total, elle ne songeait guère à l'amour. Ce jour-là, elle était lasse d'aimer. Pour Julien, le doute affreux, l'étonnement, le désespoir l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner. Dès qu'il put décemment se lever de table, il se précipita, plutôt qu'il ne courut à l'écurie, sella lui-même son cheval et partit au galop. « Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je dit pour mériter une telle disgrâce ?» Julien ne vit plus. C'est son cadavre qui s'agite encore.